Et c'était donc la fin de cette série de rock alternatif et on va tout de suite passer à de l'ambiante dans la troisième partie. La première et la deuxième partie sont sous licence Creative Commons by NCND, la troisième aussi. Bien entendu, les musiques conservent leur licence d'origine respective. Et ce que vous entendez derrière, c'est l'aspirateur traîneau du Père Fouettard qui est toujours aussi candidat à être remixé, c'est sous licence Arribe, et ça sert de générique pour le Direct Live from the Hellsass. Et pour démarrer cette série de musique ambiante, c'est Comascap avec deux morceaux qui sont d'ailleurs assez courts, Procession et Chant. Les deux morceaux, évidemment, bon, vu que c'est un net label, il y a pratiquement tous les trucs de l'artiste en question, sur Eclepsy de nouveau, sous licence Creative Commons by NCND comme toujours, et ça s'appelle, l'album de Procession et de Chant s'appelle They Will Come As Heard A by Comascape. Bon, et j'ai toujours pas réussi à dire un titre en anglais sans me tromper dans cette émission. Comme quoi, bon, bah, ça c'est de lire comme ça pour soi-même l'anglais, ça suffit pas. Il faudrait que je le pratique un peu plus à l'oral. Thank you. Et ça, c'était donc à l'instant comme à Skype et toujours dans la série des musiques ambiantes Fragmaniac 3 par Cortex sur l'album Main in Man face C. Oui, enfin bon, j'ai un petit schmilblick là avec le code, avec le bébé code. Hein, donc ça risque de prendre un peu plus de temps pour le mettre sur le forum. C'est sous une licence C-Réaction, tout simplement. Le colibri nécrophile, ça c'est le colibri nécrophile qui est donc un net label sous C-Réaction. Et puis ben, il est sur un Mon Pauvre Lieu, par contre, pour le lien vers ce net label. Donc Fragmaniac 3. Personne, il n'y a vraiment pas grand monde sur le chat ce soir, donc on va continuer toujours, on va quand même en profiter pour faire passer un peu de musique. Criade, Crias, il y a un net label, je ne sais pas, faut que je vérifie, Ville Noire, oui ça vient de Eclepsy, oui effectivement. Non, c'est là j'ai Air Sheltering, ça se contredit un peu. Crias, Criade Crias, oui, je m'étais trompé de ligne. Non, Criade Crias, oui, c'est chez Eclepsy. Deux morceaux d'ambient. Le premier qui s'appelle Betrayal Molto Espressivo, ça c'est donc, donc un premier morceau, et deuxième morceau également sous la même licence Creative Commons by NCND, qui s'appelle Chairs. Les deux datent de 2007, le deuxième, Chairs, vient du film The Chair, qui est la bande, enfin l'album The Chair, qui est la bande originale du film Insomnio. Donc c'est une musique que vous trouverez pas sur Dogmazic, mais sur le label Eclepsy, et vous aurez tous les liens pour sur le forum déjà, ou bien alors si vous écoutez cette émission via donc Dogmazic, ou bien alors si vous l'avez téléchargé via la mule, via le BitTorrent ou sur archive.org, ben il y a une page HTML avec la playlist. Là aussi vous avez toutes les infos pour vous procurer les morceaux de musique. salutations après ce morceau à Coconutsu Records qui est passé m'envoyer un petit message pour me faire savoir qu'il y avait une petite erreur sur le titre de l'émission sur le forum. Erreur qui a été corrigée entre-temps. Et à l'instant, je suis nouveau mélangé dans toutes mes pages. Betrayal Molto Expressivo et Chairs de Criad Crias. On va encore passer, on en a pour 7 minutes avec Dinner at Hypercube par It's a Stesser Act qui est l'auteur et l'interprète de ce titre que l'on peut trouver sur Dogmazic. L'album s'appelle Machines Can Do It, mais qui est également disponible sur archive.org. L'album Ear Sheltering 035 sous licence Creative Commons by NCSA. S'agit en fait d'une expérimentation personnelle avec différentes machines et différents sons de l'auditeur de l'interprète compositeur. Alors bon, c'est écrit en anglais, en chenelépré, j'ai un petit peu de mal. J'avais essayé de corriger, de traduire ça. Ça me paraît un petit peu confus. Sur le forum et sur la page, sur la playlist, je le laisserai donc à l'identique. Certes, ça sera en anglais, mais au moins, il n'y aura pas d'erreur dans la retranscription. Avec Dinner at Hypercube. Et donc, lui, effectivement, était sous le label Ear Sheltering. Thank you. Et retour à Numérama pour parler non pas de Hadopi cette fois-ci, mais de la LOPSI. Donc la CNIL a rendu public son avis du 16 avril 2009 portant sur le projet de loi LOPSI. Et la Commission nationale de l'informatique et des libertés fait part de ses craintes face aux dérives éventuelles qu'un tel projet de loi pourrait amener. En effet, la LOPSI instaure notamment le droit pour la police d'installer des mouchoirs sur les ordinateurs français et la conservation des données personnelles pendant plusieurs mois. Alors, la CNIL, en fait, grâce à de nouvelles dispositions législatives depuis le mois de mai, peut rendre maintenant ses avis publics. Qu'il vient m'embêter, celui-là, il a terminé, je ferme. J'ai de nouveau quelque chose de lisible sur mon écran. Donc l'autorité chargée de veiller à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel pourra dès à présent participer plus activement au débat public en fournissant ses analyses sur certains textes. C'est justement à cette même période que la seconde version de la LOPSI a été présenté en Conseil des ministres le 27 mai 2009 par Michel Alliot-Marie. Et c'est un texte qui vise à compléter la première version de la loi qui a été publiée au Journal officiel le 29 août 2002. Alors, ce nouveau texte prévoit de renforcer ou de créer des outils dédiés à la lutte contre la cybercriminalité, le crime organisé, la protection des intérêts fondamentaux de la nation. Quelques dispositions contenues dans le texte laissent craindre par contre un durcissement notable du contrôle d'Internet. Il autoriserait la police à installer des logiciels espions sur les ordinateurs, la conservation pendant plusieurs mois de certaines données personnelles comme l'adresse IP et un cyber-espionnage qui a été présenté initialement comme la meilleure façon de lutter contre les criminels, l'usurpation d'identité d'une personne, la pédopornographie. Mais sous couvert de combattre des dérives, beaucoup voient une première étape dans un filtrage organisé du réseau en France. Avec l'Hadopi d'ailleurs en prime, les deux feraient partie seraient les deux pièces d'un même puzzle. Donc la CNIL expose son analyse sur ce projet de loi très controversé. Copier l'adresse du lien, je vais le donner aussi d'ailleurs, ce lien vers le rapport de la CNIL. Donc des dispositions qui inquiètent notamment la collecte, la conservation des données, la mise en place de mouchoirs, une surveillance des accès publics à Internet. Alors je cite la délibération de la CNIL. La commission estime nécessaire que cette décision d'installation ainsi que les modalités d'utilisation de ces dispositifs particulièrement intrusifs fassent l'objet d'une vigilance particulière afin de garantir la proportionnalité de la mesure de surveillance aux objectifs poursuivis. Et ils estiment que cette disposition a une portée qui n'est pas négligeable dans la mesure où l'enregistrement de tous les caractères saisis au clavier et des contenus affichés à l'écran se feront à l'insu des utilisateurs. Elle souligne également qu'un tel problème pourrait poser, donc un tel système pourrait causer des problèmes avec de nombreuses professions, par exemple les cabinets d'avocats, les médecins, les notaires, les huissiers, les entreprises, la presse, les parlementaires eux-mêmes. La liste n'est pas exhaustive. Donc avec un exposé, c'est un exposé particulièrement long et je pense que là, selon Numérama, ça donnera du grain à moudre aux parlementaires avec le projet de loi à la rentrée. Avis public, où est-ce que t'as... maintenant, pourvu qu'il arrive. Il y a notamment le fait que le projet de loi collecte les données et que notamment il y a une collecte de données non utiles à la manifestation de la dérivée de la vérité qui serait quand même gardée sous scellé, fermée, alors qu'il faudrait garder uniquement les données utiles à la manifestation de la vérité pour l'enquête en question. Donc il y a des... sur la collecte de données en des lieux ou des systèmes utilisés par des personnes bénéficiant d'une protection particulière. Donc les lieux visés ne peuvent concerner les systèmes automatisés de traitement de données de se trouvant habituellement dans les lieux visés aux articles machin. Donc les lieux visés, c'est les cabinets d'avocats, médecins, notaires, avoués ou d'huissiers, entreprises. Les personnes sont les parlementaires, les avocats et les magistrats. Et donc la rédaction est légèrement différente. À celle retenue à l'article 706-96 à l'alinéa 3, relatif à la sonorisation de lieux ou de véhicules, la mise en place du dispositif technique ne peut concerner les lieux visés aux articles 56.1, 56.2 et 56.3, ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées. Le ministère met que l'adverbe habituellement crée un notamment l'adverbe habituellement ne plaît pas à la CNIL parce que ça crée un aléa et un risque d'insécurité juridique disproportionné par rapport aux finalités poursuivies. Il y a les points publics d'accès à Internet qui également poseraient problème. Il y a une obligation de sécurité, donc l'autorisation des dispositifs de captation, sur la mise en œuvre des outils de traçabilité. Et bon, je peux vous dire que là, d'après la longueur, je pense qu'il faut bien 5 ou 6 pages si on imprime ça sur un A4. C'est un rapport qui est quand même bien fourni, donc dont je vous laisserai le lien pour vous laisser, donc pour en juger. www.cnil.fr/en-savoir-plus, avec séparé par des tirets, /délibération-délibération, le premier est au pluriel, donc slash délibération sans pluriel cette fois-ci, /délib/207. Ça sera plus facile de suivre le lien que je vais vous fournir en même temps que je vais poster le morceau suivant. Quelle heure qu'il est, il n'y a toujours personne sur le... Oui, j'ai encore le temps de le passer. Le morceau suivant, Schlafen, par Emil Klotsch, Schlafen. Hop, il est où? Schlafen, dormir. C'est donc l'album qui s'appelle Megatrant Intégral, qui est sur dogmasic.net. Encore un titre avec des crochets qui va me poser des problèmes pour le poster sur le forum. Sous licence Creative Commons by NCSA. Et donc, je vous laisse ce dernier titre, justement, avant de dormir. Vous avez de quoi écouter. Harmonique qui est le générique de fin de l'émission sous licence art libre, alors que ce qui précède c'était Schlafen de Emil Klotsch, et ça par contre le Schlafen il est sous licence Creative Commons by NCSA. Une émission la semaine prochaine, il y aura de nouveau de la musique ambiante pour la semaine prochaine, c'est prévu puisque j'ai regardé, j'ai en fait deux trucs à peine à traiter, revoir des choses à restaurer au niveau du son. Donc j'ai toute la semaine pour le faire, puisque je suis en vacances, ça tombe bien. Donc il y a moyen de faire un peu plus d'émissions sur beaucoup plus de direct live. Je vous souhaite une bonne soirée, et puis à la semaine prochaine. L'habillage d'antenne s'appelle Hilharmonique, il est sous licence art libre et je vous le fais écouter donc à un niveau sonore normal. Et tout à l'heure, vers 21h si je ne m'abuse, il se peut que sur Makefest Radio il y ait l'émission Urbano. Je revérifie et dans ce cas elle sera relayée ici même sur Dogmazic. Alors bonne soirée à tous et puis à la semaine prochaine. Ça sera le 2 août, en tout cas le dimanche qui vient, là, à 17h, heure française, on s'entend bien entendu, heure française, c'est-à-dire 15h en temps universel. Thank you.